Vous écoutez la balado d'Evée Pandore, présentée par Sécurité Montréal. C'est maintenant l'heure du segment Voix libre. Ce segment reprend le principe de l'open mic, c'est-à-dire qu'on laisse le champ libre à notre invité afin qu'elle puisse parler des thèmes qui l'intéressent ou qui la touchent. Ce soir, on écoute Marie-Lise Savoie, porte-parole d'Action Pute et Alliés du Québec, qui nous parle de la Journée internationale de lutte contre la violence faite aux travailleuses et aux travailleurs du sexe. Bonjour, je m'appelle Marie-Lise Savoie. Je suis travailleuse du sexe, mais je suis aussi porte-parole de l'Action Pute et Alliés du Québec. L'Action Pute et Alliés du Québec, c'est un collectif de putes et d'alliés, mais plus que ça, c'est aussi un espace de réflexion alternative. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du 17 décembre. Le 17 décembre, c'est une date importante pour ma communauté, pour plusieurs raisons. Premièrement, le 17 décembre vient des meurtres de la Green River à Seattle en 2003. Les travailleuses du sexe ont décidé de se réunir pour dénoncer l'inaction de la police, dénoncer l'inaction de la population et pour commémorer les victimes aussi. Faire une vigile, en fait. Le 17 décembre s'accompagne souvent de vigiles ou de courtes marches. C'est rarement une date de manifestation ou d'action. Habituellement, c'est plus une date de deuil. L'année suivante, le 17 décembre a été fêté un peu partout aux États-Unis, Canada, puis en Europe. Maintenant, il est fêté sur tous les continents, autant en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Asie. D'ailleurs, sur le site 17décembre.com ou Journée internationale 17décembre.com, on peut trouver tous les événements mondiaux. C'est assez impressionnant. Le 17 décembre, c'est aussi l'occasion des marches des parapluies rouges. Les marches des parapluies rouges ont commencé en 2001 à la Biennale de Venise. Pourquoi le parapluie rouge? C'est une question qu'on se pose tout ça à un moment ou un autre quand on est dans l'air proche de la communauté travailleuse du sexe. Pourquoi ce symbole? Ce symbole, en fait, vient de l'idée que le parapluie est une protection. Donc le parapluie rouge nous protège de la violence, mais nous protège aussi de la criminalisation. Enfin, il nous protège de la violence sous toutes ses formes. Pour la communauté des travailleuses du sexe, la violence vient souvent sous trois piliers. Les clients, l'État, les policiers. Ce sont les trois piliers oppresseurs de la communauté. Et le parapluie nous permet de nous protéger contre ces violences. Pourquoi rouge? Pour la passion, pour l'amour, pour le sang, pour la violence. Les travailleuses du sexe sont une communauté qui est traversée par la violence, qui est traversée par le doute, par la précarité, par le colonialisme, la transphobie, l'homophobie, le racisme, la misogynie, évidemment. Mais plus que ça, c'est une communauté diverse. Et ce symbole, comme cette date, nous permet vraiment de nous recentrer sur ce qui nous unit. Les travailleuses du sexe, il y en a dans toutes les communautés. Il y en a dans tous les milieux. Et d'être ensemble, de se resolidariser, de pouvoir se dire ce qu'on vit, c'est de la putophobie. De pouvoir renaître un peu ensemble, se retrouver, c'est une des choses les plus importantes pour nous. Le 17 décembre, c'est un peu, je crois, l'équivalent du 6 décembre pour les femmes québécoises qui dénoncent la misogynie, mais qui en même temps se souviennent qu'elles doivent continuer d'être des féministes, d'être des femmes qui font une différence. Pour nous, le 17 décembre, c'est le souvenir de toutes celles qui sont mortes, de toutes celles qui sont oubliées, mais c'est aussi le fait de souhaiter à chaque année qu'il n'y en ait pas d'autres qui meurent, puis de travailler pour éviter qu'il y en ait d'autres qui meurent. L'année prochaine, au 17 décembre, je vous invite à acheter un parapluie rouge et à vous présenter dans les actions locales pour apporter votre soutien aux travailleuses du sexe, puis aussi pour leur dire que même si vous n'êtes pas vous-même, mais que vous refusez cette violence, que vous refusez la violence que l'on subit. C'était Marie-Lise Savoie, porte-parole d'Action Pute et Alliés du Québec. On la remercie chaleureusement pour cette explication de l'importance de la journée de la lutte à la violence contre les travailleuses et les travailleurs du sexe.